Chapitre 50e, trop tard. Le colonel donna un coup de poing sur la table. « Il y a des lois, il y a une justice qui empêcheront cette atrocité, cette infamie. Ces gens sont la loi, et la justice arrive trop tard, bien souvent. Il est d'autres moyens. Et puisqu'il faut lutter avec des bandits, nous engagerons, vous, vos hommes, moi, quelques amis dévoués, une guerre sans merci. Le temps nous manquera toujours pour épargner à Madame Garitza un supplice, comme ces bandits seuls peuvent en inventer. » Devant la douleur du colonel, qui pressentait évidemment l'inutilité de ses efforts, Paulin Broquet tout de suite ajouta « Colonel, je n'ai pas voulu attendre plus longtemps et j'ai, autant qu'il m'était possible, devancé la mise à exécution de ces menaces. » Le colonel, d'un mouvement spontané, cordial, serra la main du détective. « Je n'attendais pas moins de vous, mon cher ami, » dit-il. « Oui, vous avez dû rendre vaines ces atroces menaces, et grâce à vous, à votre ingéniosité, à votre courage, cette justice qui, vous avez raison, bat trop lentement, a cette fois devancé le crime. Voyons, mon ami, voyons, dites-moi, qu'avez-vous fait pour protéger, pour sauver Madame Garitza ? Je l'ai tout bonnement, moi, enlevée à ceux qui voulaient l'enlever. Ah, bravo, bravo, bien joué, Paulin Broquet, bravo !» Le détective donna des détails. Voici. En ce moment, Madame Garitza, qui est rentrée chez elle, accompagnée par vous, après la soirée de musique, repose tranquillement. Elle est gardée par un homme à moi, l'Amorce. Nos ennemis, d'ailleurs, sont aux environs de votre demeure, puisqu'ils vont d'abord s'attaquer à vos papiers. Mais demain matin, à la première heure, j'irai, moi, prendre Madame Garitza chez elle. Je l'emmènerai sous bonne garde dans un endroit où ni Zigomar, ni toute la bande des Z ne pourront l'atteindre. Où ça? Chez moi. Bien, oui, là, elle sera bien gardée. Chez moi, ou ce qui est plus exact, chez ma femme, dans la villa de Messieden, à Boulogne. La villa est bien défendue. Ma femme, Miss Eden, est une femme admirable, unique, d'une intelligence hors ligne, d'un courage à toute épreuve et d'un dévouement que rien ne peut troubler. Miss Eden va recueillir et garder Madame Garitza jusqu'au moment où tout danger sera passé. Le colonel, ému, pressa fortement les mains du détective. Comment pourrais-je jamais reconnaître tant de bonté, tant de vaillance, tant de générosité? En me secondant, colonel, en m'aidant à venir à bout de ma tâche pénible, difficile et longue. Parlez, mon ami, je vous obéirai aveuglément, et j'agirai en soldat. Voici ce que vous devez faire. Comme Madame Garitza va disparaître soudainement ce matin, dans quelques heures, vous devez donner à croire que cette disparition ne vous étonne pas, ou plutôt que vous l'ignorez. Il ne faut pas qu'on vous voie en peine de cette absence inexplicable, ou que vous manifestiez une absolue indifférence. En effet, pouvez-vous vous absenter pendant quelques jours, vous éloigner de Paris comme si vous partiez en tournée d'inspection, d'études, en mission? Oui, très facilement. Parfait. Vous allez donc partir dès ce matin. Vous m'enverrez une dépêche pour me dire où vous êtes et pour que je puisse vous télégraphier aussitôt. Rien de plus simple. Je vais donc boucler ici, boucler au comité d'artillerie et je saute dans un train. Je trouverai bien où aller. Bon, partez. Maintenant, vous pouvez aller vous reposer. Je ne crois pas qu'à cette heure il tente quelque chose. La nuit est à peu près finie, le jour commence dans la rue et la ville de Paris reprend. Allez donc goûter quelques heures de repos. Je me retire, vous abandonne. Au revoir, colonel. Bon voyage. » Après une dernière et cordialement énergique poignée de main, Paulin Broquet s'en alla. Comme il quittait la maison où le colonel habitait et s'engageait sur le trottoir, son fidèle Amorce l'aborda avec tous les ménagements habituels. « Chef, lui dit-il, il y a du nouveau. » « Où cela, mon garçon? Chez Madame Garitza. Quel nouveau, qu'est-ce que c'est? Je l'ignore encore. Mais j'ai vu sortir de la maison de Madame Garitza un homme dont la présence ici avait tout lieu de m'étonner. Cet homme, le maître. Lui? Oui, chef. Or, je suis certain que de toute la soirée, depuis que nous surveillons la maison, il n'est pas entré. Donc il devait être là-haut depuis longtemps déjà. » Paulin Broquet fronça les sourcils, se gratta énergiquement le menton. « Ah ah, » fit-il. « C'est grave ce que tu m'apprends là, mon garçon. Tu es sûr que c'était bien lui que tu as vu ?»« Chef, j'ai été autant que vous maintenant surpris, et j'ai tenu à me convaincre moi-même que je ne me trompais pas. C'était lui, chef, bien lui. »« Il faut voir, dit-il, ce que cela veut dire. Allons chez Madame Garitza. » En chemin, il dit à l'Amorce. Cependant, ce n'était pas le jour fixé par lui pour venir prendre les documents chez Madame Garitza. Il devait savoir qu'il n'en avait pas à lui remettre ce soir. Il pensa. « À moins qu'il n'ait déjà demandé des explications sur la non-valeur des documents. » Il ajouta. « pourvu que ce misérable n'ait pas déjà tout de suite compris qu'il était berné, et déjà tout de suite infligé à cette pauvre femme le châtiment dont il l'a menacée. L'auto les conduisit promptement à la maison qu'habitait la jeune femme. Paulin-Broquet et Lamorce montèrent dans l'appartement. À peine le détective était-il sur le palier qu'il tressaillit. À peine eut-il sans difficulté aucune ouvert la porte simplement poussée, même pas fermée, qu'il s'écria « Trop tard, nous arrivons trop tard !» De l'antichambre, il vit par la porte laissée ouverte, le salon éclairé par les lampes du plafond laissées allumées. Il entra vivement dans la maison. « Madame, madame » appela-t-il à haute voix. Au milieu du salon, à terre, immobile, gisait, inerte comme un cadavre, Madame Garitza. « Morte ?» s'écria Lamorce. Paulin-Broquet se pencha sur la jeune femme. « Non » fit-il, évanoui. Alors il dit à Lamorce, « Prends cette sacoche qu'elle avait préparée pour fuir ce matin, suis-moi. » Sans vouloir chercher à rappeler à elle la jeune femme, ne tenant pas à s'attarder une minute de plus dans cette maison remplie de terreur où rôdait le crime, il prit le corps de Madame Garitza dans ses bras, s'en chargea, et l'emporta comme on fait d'un enfant malade. Il la plaça dans l'auto et dit à Sidi ces mots seulement, « Miss Eden, vite !» En route, il prit dans sa boîte de secours ce qu'il fallait pour donner les premiers soins à la jeune femme. Quand Sidi marchait à ce qu'il appelait allure normale, c'était à faire frémir, nous le savons. On se doute de la course qu'il fit prendre sa voiture maintenant que le chef lui avait dit « vite !» C'était à faire fondre les pneumatiques, à volatiliser l'huile des rouages. Mais la voiture était solide et établie pour les surprises de ce genre pour pouvoir résister aux fantaisies, aux improvisations de Sidi. Puis, à cette heure, Paris était encore à peu près désert. Quelques rares noctambules fuyant le jour rentraient se coucher. Les balayeurs, les arroseurs commençaient à peine à se rendre à leur travail. Les chiffonniers visitaient les poubelles et de rares voitures de maraîchers remontaient des halles. La route était donc à peu près libre devant Sidi. Il en profita. « Hé, mon ami !» disait-il dans son sabir algérien à son moteur. « T'y pas peur, le chef a dit, t'y vas vite !» Et le moteur n'avait pas peur, il allait vite. Si vite que la voiture stoppait devant la grille de fer de la villa de Miss Eden, alors que Paulin-Broquet, malgré ses soins, n'avait encore pu faire recouvrer ses sens à Madame Garitza.